Cholo loco bon d'enfoiré. Crow, j'ai pas la tête à ça, non. Il paraît que c'est une fois les ailes déployées qu'on évite l'obstacle. C'est pas le moment de tout foirer, on se l'est dit trop de fois. Au fond je suis comme toi mec, j'ai envie d'autre part. Faudra que t'oublies tout ça maintenant que t'as les pieds dans le ring, faut se battre. Attaché par les yeps, on voit que le faux. Serais-je toujours traqué par les yens si j'incarne le faux? C'est chelou depuis le départ, on dira que tout est clair. Des âmes sombres m'ont rendu part où je dis pas tous les terres. Je suis le même de la place du château à la tour Eiffel. Si tu me vois diviser ma part du gâteau, ça sera pour les frères. La foudre est claire, mais pas j'attends la bêtise. Je fais partie des boucs des terres, j'ai la flamme dans la rétine. Un petit con de plus, destiné à jouer le casse-couille. Je veux pas être un pigeon de plus, t'es shit, t'es dans la basse-cour. Je roule à fond sur excité, faut que j'arrache tout. N'être qu'un pion sur l'échiquier, ça vaut pas le coup. En ce moment, je fais pas la fête, me raconte pas ta vie, j'ai pas la tête à ça. Même les anges ont des visages pas la vraie, je vais faire confiance à qui, ça fait de la peine à voir. En ce moment je fais pas la fête, me raconte pas ta vie, j'ai pas la tête à ça. Même les anges ont des visages pas la frais, je vais faire confiance à qui, ça fait de la peine à voir. Oh, je fume la purple comme Jimmy, je vais pas faire timide, je pose les bases sur une voie bitch. Je me déplace dans la jungle, au feeling reste vif et pareil qui si les prédateurs n'ont pas de pitié. Je me suis laissé les 6 pieds sous l'asphalte, je suis lessive et mes quittes à dérive et je ferai le tour de la map. Je vois des sales télévités autour de ma part. À tout moment je pourrais me noyer, les sirènes rôdent sous ma barque. Mais nique sa mère, je tiens le filon, je veux masse de thunes, c'est l'occasion. T'as fait pour un connard patron, ça me casse le cul, c'est normal. Je vois un drôle, le bon ne parle plus, c'est dommage. Si tu ne sors pas les crocs, le monde te marche dessus, c'est comme as. J'essaie de rester droit, mais je croise des milliards de vis. Quoi qu'il arrive, je garderai la foi, je rêvais de la vie d'artiste. Ça fait de la peine à voir, j'ai vu trop de visages tristes. On peut choisir un tatouage, mais pas une cicatrice. En ce moment, je fais pas la fête, me raconte pas ta vie, j'ai pas la tête à ça. Même les anges ont des visages pas la vraie, je vais faire confiance à qui, ça fait de la peine à voir. En ce moment, je fais pas la fête, me raconte pas ta vie, j'ai pas la tête à ça. Même les anges ont des visages pas la vraie, je vais faire confiance à qui, ça fait de la peine à voir. Cholo loco bon d'enfoiré. Crone, me raconte pas ta vie, j'ai pas la tête à ça. Non, j'ai pas la tête à ça.